laisse qui tourne par chez moi. J'en arrive à me poser des questions. Déjà vu comme une impression, je les emmerde à tort ou à raison. Combien de fois mon cœur a cassé aujourd'hui, veston, Kevlar et Teflon. Ils deviennent ce que nous étions, ceux que je respecte ne sont pas légion. Tout le temps dans la retenue, si je me laisse aller, c'est foutu comme un vase qui se brise. Aucune parole, j'ai bien compris, regarde ce qu'ils font, n'écoute pas ce qu'ils disent. Ma génération, elle veut rien dire comme Taraklis sans ses artifices. Et personne ne m'a compris, je suis un homme en colère, pas un artiste triste. Gros, je me réveille comme d'hab, j'ai le mort. Depuis 96, traquenard, c'est la merde. Faire ce qu'on attend, c'est au-delà de mes forces. Heureusement, je suis pas con, j'ai su rester intègre. Boss, ma jeunesse m'a pas laissé indemne. Je le vois dans tes gestes quand tu stresses, j'ai un tel. Je parle à son père, j'ai la rage, fais un tour. J'ai beaucoup de cicatrices pour une blessure interne. Compte pas sur moi pour m'écrouler. Je suis tête de fer. Rien que ça joue les anciens, mais pour écouter, faut savoir se taire. Et la plupart ont grandi comme moi, sans vrai repère. Me raconte pas ta vie, t'es le même qu'hier, t'en es presque fier. Y'a plus grand chose qui me fâche. Au fond, je crois que je suis dead. J'ai toujours voulu faire pire que les autres, et de ma prison, je suis l'architecte. Dans mes yeux se cache le détail, je porte mes Ray-Ban en cache-misère. J'ai passé tellement de temps dans le fossé que j'ai fini par m'y plaire. Qu'est-ce qui tourne par en chez moi? J'en arrive à me poser des questions. Déjà vu comme une impression, je les emmerde à tort ou à raison. Combien de fois mon cœur a cassé aujourd'hui, veston de Kevlar et Teflon. Ils deviennent ce que nous étions, ceux que je respecte ne sont pas légion. Regarde ton frère par un temps de crise, mon frelon tu verras c'est une triste blague. Et sous la nasse me foque un principe, beaucoup vont s'étonner quand ils verront qu'ils sont vite jetables. Dans une ruelle on se brise le crâne, je suis violent sous couvert de whisky sec. Mon adolescence dans un trou noir, j'en ai gardé aucun souvenir comme Kyle XY. Je crois que je vais faire du tai chi ou je vais allumer tout le monde. Est-ce que je serai un grand artiste ou je vous retrouverai sous le pont? Les femmes sont toutes des actrices, on n'est pas tous des Playmobil. Les enfants font des caprices, les adultes font des génocides, merde. Django, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Je passerai devant le fusil, brave, comme Jean-Pierre Timbaud. Tu crois que tu sais ce que je vis, tu m'as l'air d'un saut, gros, t'as quelles infos? Je sais pas à qui tu me compares, c'est pas la même toile, pas le même pinceau. Et pourquoi tu crois qu'on est tordu, c'est l'héritage. Et si je vous baise, non, rien de rien, pas de regret, comme Edith Piaf. Ce que j'ai fait, le bien et le mal, on n'évite pas l'inévitable. Tout ce qui s'anime est périssable, donne-moi un zippo et un jerrycan. Qu'est-ce qui tourne par en chez moi? J'en arrive à me poser des questions. Déjà vu comme une impression, je les emmerde à tort ou à raison. Combien de fois mon cœur a cassé aujourd'hui, veston, Kevlar et Teflon. Ils deviennent ce que nous étions, ceux que je respecte ne sont pas légion. Qu'est-ce qui tourne par en chez moi? J'en arrive à me poser des questions. Déjà vu comme une impression, je les emmerde à tort ou à raison. Combien de fois mon cœur a cassé aujourd'hui, veston, Kevlar et Teflon. Ils deviennent ce que nous étions, ceux que je respecte ne sont pas légion.